Qu'est-ce qui fait tourner le monde à part l'oseille? Ok, t'as ta réponse, mais dis-moi qui fait tourner le soleil. Là tu sèches. Et si je te demande pourquoi, pour quelle raison nous vivons, pas de réponse à ma question, ça te fait peur, ouais. Ouais, on a peur de ce qu'on ignore, y'a trop de mystère du genre. Ce qui t'arrive après la mort, point d'interrogation, rien, y'a que des suppositions. Chacun croit détenir la vérité, défend sa position. Rappelle-toi, le scientifique qui a dit que la Terre était ronde s'est fait cramer au nom du monde, au nom de la vérité. Sans repère, on peut seulement s'attacher aux écrits. Hey, t'as ta version, faut la partager aux écrits. Fort, ta pensée, c'est peut-être la bonne. Enfin bon, fais gaffe, quand c'est pas le feu des fois on te pète la gueule. La vérité blesse, c'est le mensonge apaise. Vaut mieux pas le savoir si ta femme avec les voisins baise. Certaines vérités, je pense, doivent être camouflées. Faut garder ses distances, il vaut mieux s'en méfier. L'inconnu nous ronge, on s'invente un tas de mensonges. Trouver une réponse possible, ça permet de passer l'éponge. Y'a pas de réponse, donc on n'a pas de repère. C'est dur d'élucider tous les mystères de la vie. On a beau jacter au bout du compte, y'a que des suppositions. On passe nos vies à chercher, nos vies à se poser des questions. Y'a pas de réponse, donc on n'a pas de repère. C'est dur d'élucider tous les mystères de la vie. On a beau jacter au bout du compte, y'a que des suppositions. On passe nos vies à chercher, nos vies à se poser des questions. Les miracles du pape au nom de la religion. Désolé mais j'ai jamais un vu tel dans ma région. Si j'ai le tas, j'aurais beau prendre mon sac et ma gourde, je pense pas que je serais guéri grâce au miracle de Lourdes. Enfin c'est mon avis, je suis pas savant ni curé. Mais l'espoir fait qu'au bout du compte on est souvent écœuré. Le hap sous 2 mètres d'eau, dans 30 ans c'est probable. Enfin comme d'hab, y'a rien de sûr, pour l'instant on en parle. Les médias nous endoctrinent, l'étagère son complot. Ils connaissent pas mal de réponses, c'est en faire le contrôle. Nous on est bêtes, on suit le mou, on préfère se taire comme des coteaux. On s'est noyé dans l'atmosphère, programmé comme des robots. L'inconnu nous ronge, on s'invente un tas de mensonges. Trouver une réponse possible, ça permet de passer l'éponge. Y'a pas de réponse, donc on n'a pas de repère. C'est dur d'élucider tous les mystères de la vie. On a beau jacter au bout du compte, y'a que des suppositions. On passe nos vies à chercher, nos vies à se poser des questions. Y'a pas de réponse, donc on n'a pas de repère. C'est dur d'élucider tous les mystères de la vie. On a beau jacter au bout du compte, y'a que des suppositions. On passe nos vies à chercher, nos vies à se poser des questions.